Il y avait bien celui-là. Glauque, noir, macabre, aigri, rageur. Comme il lui était difficile d'être doux, il avait choisi le mal et voulait nous contaminer avec cette chose abjecte. Souvent dur, très égoïste, profiteur, vaniteux, il avait l'habitude de dire: Oh, moi, je n'ai pas le temps de te parler, moi, je crée mon roman, mon roman à moi, moi. Alors, on lui expliquait que non, les règles du jeu de la vie, c'est nous qui lui imposions. Celui-là avait pris les cheveux d'une femme, bien serrés dans son poing, et à vrai, pour de vrai, ce n'est pas une histoire, pour de vrai, taper la tête de la femme contre la table plusieurs fois, et avait fait un texte là-dessus. Que celui qui a déjà fait cela à une femme ou à un homme lève la main. Ah, je sais que lui, il m'entend. Traducteur, traduisez. Va-t-il nous vendre cette violence? Ou de la réalité criminelle d'une personne que vous côtoyez, que vous croyez connaître, ou pire, que vous n'essayez pas de connaître. Mon nom est H. Nov. Et je ne bats pas les gens. Attention, c'est fragile. Joe, attention, c'est fragile. Tu n'as pas de corps. Tu sais que c'est fragile, alors arrête. Eh bien, en fait, cette personne-là ne m'a pas frappé exactement sur la table. C'était lorsque j'étais par terre, en fait. Et que j'étais ivre morte, surtout. Mais c'était... lors d'un soir où j'étais très déprimée et où j'avais énormément bu. Et en fait, je suis tombée de fatigue et puis aussi à cause de l'alcool, quoi. Et cette personne-là, donc, en a profité pendant que j'étais au sol pour me frapper la tête contre le sol. Combien de fois ? C'était un grand courage. Combien de fois ? Ça, exactement, je ne peux pas te le dire parce que je m'en souviens pas. C'est cette personne même qui, en fait, en a fait un texte. Et elle l'a diffusé. Tu as été choqué qu'il le diffuse ? Ah, ça, oui, énormément, oui. Parce que il parlait pas seulement de ce qu'il m'avait fait, mais il parlait aussi de ma vie familiale. Et c'était assez putassier, quoi. L'écrivain glauque est-il un individu ? Est-il un individu glauque ? L'écrivain glauque est-il un individu ? Oui, c'est un individu glauque, oui, ça c'est sûr, quoi. Un individu qui a sûrement beaucoup de problèmes, je pense. Non, tout. Les gens le savent. Je pense, oui. Il... Enfin, déjà intelligent de se rendre compte. Il ne le condamne pas ? Eh bien non, parce que c'est une façon d'être... Comment dire, Mr. Jekyll n'était pas forcément condamné. On peut se créer des persos comme ça, des personnages qui font que dans l'imaginaire et dans le côté sombre qu'il y a dans chaque personne. Ah, ça les titille, ça leur plaît, et donc... Mais c'est pas le meilleur côté de l'être humain, quoi. Ben oui, surtout dans... Eh bien, pour lutter contre, je pense qu'il faut toujours, et comme d'habitude, s'armer de patience. Beaucoup aimer la vie, soutenir la vie, la magnifier, et aimer. Et de dire les choses ? Peut-être, oui, peut-être. Peut-être que de dire les choses, oui, peut-être. Tire les choses, oui.